Lorsque Martine Sonnet m'a demandé de participer à cette séance, en mai, j'ai demandé à réfléchir un moment, et puis après j'ai dit oui, parce que je ne savais pas trop pourquoi, mais le genre, la librairie, les livres, les sciences humaines, ce sont des domaines de mon travail, même si, pour la plupart, ce ne sont pas exactement ceux qui me permettent de vivre mon travail, c'est d'interroger des publics, dans des expositions, dans des salles de cinéma, dans des conférences. On appelle ça de nos jours des manifestations culturelles. On pose des questions au public et on en attend des réponses. Il s'agit de voir en quoi le groupe constitué pour l'occasion, un groupe éphémère, relatif, temporaire, provisoire, en quoi ce groupe réagit, de quelle manière, à ce qui lui est proposé. Et la plupart du temps, il a payé un billet pour assister à cette manifestation. On peut aussi évaluer des manifestations gratuites, mon métier, et d'évaluation de ces manifestations. Je travaille aussi, ou donc, dans le milieu ou l'univers du livre. J'ai réalisé, il y a une vingtaine d'années, une étude des publics de la médiathèque de la Cité des Sciences, et j'ai continué à m'intéresser à ce type de fréquentation depuis. À Paris, j'ai répondu à nombreuses reprises aux appels d'offres lancés par la bibliothèque publique d'information, sans jamais en remporter un. J'ai répondu à des appels d'offres de la BNF, j'en ai gagné deux, La Nuit Blanche et une exposition temporaire. Et à la faveur de ces appels d'offres, portant sur le commerce de la librairie cette fois, je me suis mis en rapport avec l'un des syndicats de libraires qui existent en France, qui est le SLF, le syndicat de la librairie française. Je ne connaissais pas, j'ai trouvé ce syndicat sur Internet. J'ai pris un rendez-vous, j'ai perdu l'appel d'offres, encore à nouveau, mais c'est mon... En fait, mon métier, c'est de répondre à des appels d'offres et d'en gagner un, deux par an. Et je réponds à 7, 8, 10. Enfin, moins. C'est assez fatigant. J'ai rencontré donc le délégué général de syndicat. Et il m'a appelé ensuite pour me proposer de participer à l'aventure de Mébico, La mémoire de la librairie contemporaine, qui est un site. Et j'ai rencontré d'autres personnes, Hélène Clémente, qui était la chargée de mission numérique du syndicat, puis Frédéric Leblanc, une sociologue et professeur à Paris 13, je crois bien. Frédéric Leblanc est la co-auteur de ce pavé qui s'appelle L'histoire de la librairie française, qui vaut un paquet de dollars, auquel j'ai participé. Je vais vous le faire passer. J'ai plein d'images, il est beau. Enfin, un peu gros. Hein. Bon. Un peu lourd, j'ai pas fini de le dire. Bon. Donc, j'ai participé à ça. Médico, donc, vous voyez, Médico, c'était la mémoire de la librairie contemporaine. C'est un site, c'est numérique. On s'entend, on fait cette entreprise, on la monte, Hélène et moi, et puis un peu Olivier Lostis, le délégué du syndicat, mais après, il est parti. Je vais vous expliquer tout ça. Comme la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, ce sont des armes avec lesquelles je me bats pour survivre, je les emploie dans Médico. Donc je fais des entretiens sociologiques avec des libraires, des vieux libraires, très souvent, ou des jeunes, et plutôt des vieux. Je recueille la mémoire des vieux libraires. Je nourris ainsi une partie du site qui s'appelle Médico, donc. Et donc, comme vous voyez, c'est une partie de mon métier, une partie de mes activités. Donc, une fois que Martine m'a proposé de participer ici, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je me suis dit que j'allais recueillir quelque chose chez des libraires, et puis femmes, et puis peut-être une seule, j'ai pensé. Et puis après, je me suis dit peut-être ce serait mieux deux. Donc, j'en ai interrogé deux. Je vais vous expliquer, je vais vous restituer, comme on dit dans notre jargon, ces deux entretiens. Pour moi, il s'agit plus d'un début d'étude, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique, plutôt que de quelque chose de clos. Je pense, pour ma part, qu'il aurait fallu aussi interroger des hommes, je pense. Et aussi d'autres personnes, pour évaluer les parcours, comprendre en quoi le genre influe sur les parcours, d'où vient le goût de ce travail en librairie, comment on le transmet, dans quelle mesure la position dans le champ de la librairie pèse sur les options et les choix de la vie professionnelle. Donc je vous présente ce qui pourrait s'apparenter à mon atelier, à l'exercice de mon métier. J'ai résolu de me tenir au plan normal de la restitution. Ce n'est pas une étude qualitative, ce n'est pas une étude quantitative, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du business plan, ce n'est pas une étude de marché, c'est rien. C'est deux entretiens que je vous propose et vous allez... Après, on en discutera si vous voulez. D'abord, je vais commencer par vous asséner quelques chiffres. Puis après, je vous présenterai le métier de libraire en quelques paragraphes rapidement. Je pensais faire quelque chose sur ce qu'on nomme la chaîne du livre, mais c'est un peu long, je pense que c'est pas utile, je pense pas. Et après, je vous propose la lecture des deux entretiens que j'ai menés auprès des deux libraires. Je n'ai pas conclu. Donc, on conclura, si vous voulez. Pour ces deux entretiens, il ne faut jamais oublier que ces deux femmes s'adressent à un homme et que leur discours serait très probablement différent de celui qu'elles tiendraient à une femme. D'ailleurs, je constate que aujourd'hui, c'est comme ça. Je représente 7% de la population ici. Mm-hmm. C'est pas mal. Oui, normalement, c'est pas... à peu près 48-52. Bon, des chiffres par rapport au genre, on n'en dispose pas. On ne s'intéresse pas au genre quand on pense à la librairie. Les différents syndicats, ils s'occupent de leurs adhérents, mais ils ne donnent pas de chiffres. La librairie est un commerce plutôt urbain, mais il y en a d'ambulants. En France, il fait partie du commerce, lequel commerce occupe à peu près un quart des personnes actives. Dans ce quart de personnes actives, il y a 7% qui sont dans le commerce de proximité de détail, dans lequel se trouve la librairie. En France, il y a à peu près 6000 points de vente et d'autres points de vente qui sont des points de presse, qui sont considérés comme des librairies, mais qui sont un peu moins fournis en titres. Les librairies, elles ont plutôt quelque chose en comme 5000 références à 60 000 références. Les grosses librairies françaises ont 60 à 60 000 références, à peu près. Elles génèrent, toutes ces librairies génèrent environ 15 milliards d'euros par an, soit à peu près ce que génère le commerce du tabac. Alors on achète des livres plutôt dans les librairies, pour un quart, dans les grandes surfaces spécialisées comme Virgin ou les Fnac, pour un cinquième, 21%, et puis aussi dans les grandes surfaces alimentaires, à peu près pareil, c'est les Cultura, les vieux comme ça. Une quinzaine de pourcents dans les ventes par correspondance, les clubs, et puis 10% par Internet, qui commence à croître, et qui fait très peur aux libraires. C'était les librairies. Pour le lectorat, il y a des sources qui sont... D'ailleurs, je vous ai préparé un petit papier. Voilà. Avec les sources que vous pourrez trouver sur Internet, avec un tableau sur les différents secteurs éditoriaux, et puis les sources que j'ai utilisées pour la sociologie. Donc, les sources pour le lectorat, ce sont les sources du ministère de la Culture et de la Communication, une enquête qui s'appelle « Les pratiques culturelles des Français » qui est faite par Olivier Donat depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années même. Il n'y a pas, dans cette enquête, il n'y a pas non plus de partage par genre. On sait que des Français, pour 70% d'entre eux, ont lu au moins un livre au cours des 12 derniers mois. Dans ces 70%, vous en avez 27% qui ont lu 1 à 4 livres et 17% qui ont lu plus de 14 livres. On lit dans cette enquête, je cite, « Les différences entre les milieux sociaux ont eu tendance à se creuser au cours de la dernière décennie du fait du décrochage d'une partie des milieux populaires, notamment ouvriers. Il en est de même pour les différences de sexe. Les hommes comptent désormais environ 10% de non-lecteurs de livres, de plus que les femmes, et reconnaissent d'ailleurs sans difficulté leur éloignement croissant à l'égard du monde des livres. 62% d'entre eux déclarent lire peu ou pas du tout de livres, contre 46% de femmes. Ces dernières sont donc plus nombreuses à lire des livres, et de plus, quand elles lisent des livres, elles en lisent plus que les hommes. En moyenne, elles lisent 17 livres par an contre 14 pour les hommes. Bon, c'est une moyenne ça ne veut pas dire grand-chose, enfin ça donne vaguement des idées. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Non, mais c'est intéressant. Ça fixe un peu. Pour la production de livres en France, on compte 470 millions d'exemplaires. On compte 70 000 dépôts légaux par an à la BNF, c'est-à-dire que les éditeurs sont obligés de déposer leur livre à la BNF. Le tirage moyen d'un livre en France, c'est 9 000 exemplaires. Ça ne veut rien dire, mais c'est quand même un tirage moyen, mais ça ne veut rien dire quand même. Hein. Donc, à peu près, voilà, un prix Goncourt, par exemple, disons, ça tire à 400 000 exemplaires. Bon. Puis un recueil de poésie, ça tire à 50. 400 000 plus 50 divisé par 1, ça fait 9 000. Il y a un truc. En France, quand on compte le nombre de références, il y en a à peu près 620 000. C'est-à-dire que quand un libraire s'installe, il fait un stock, il a le choix entre 620 000 titres différents. Voilà. Il choisit, il fait son stock, et puis il commande. Et puis voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un libraire. Alors, on estime en France qu'il y a, pour les libraires, c'est une estimation, 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes. En formation, j'ai demandé à l'INFL, il y a 72% de femmes et 28% d'hommes. Dans les IUT, dans les facultés, j'ai demandé aux facultés, on m'a dit 75-25. C'est en fait, c'est à la bouche. Alors donc, ça fait 3/4, on va dire comme ça, à peu près, ou 66-33, 2/3, 1/3. Mais il n'y a pas de chiffre, hein, à nouveau. Peut-être on peut y penser. Ça veut dire sans doute quelque chose. Je ne sais pas quoi. Donc c'est plutôt un métier de femme. Je vais vous expliquer en quoi consiste ce métier. Donc on achète des livres, on les présente à un public ou à une clientèle. Ça veut dire que on commence par commander des livres. Quand on est libraire, on reçoit des cartons de livres. Il y a un métier de la librairie qui s'appelle mettre à part, metteur à part, metteuse à part, mise à part. C'est ouvrir les cartons, prendre les livres, les classer, les dire ce livre-là, c'est un livre qui va dans ce tel rayon, celui-là, c'est une commande, je le mets là, celui-ci, je le fiche là. Après, on fait des tables, parce qu'il n'y a plus de comptoir maintenant dans les librairies, ce sont des tables. Mais des tables, sur des tables, on met des livres, où on range dans les bibliothèques, les réassorts, parce qu'ils s'appellent les réassorts. C'est-à-dire, quand on a vendu, quand on a commandé 3 livres et puis qu'on les a vendus, on demande à l'éditeur de nous en redonner 3, par exemple. Enfin, nous, les libraires demandent, mais je ne suis pas libraire. Hein. Une fois qu'on a fait des tables et puis qu'on a rangé les livres, on les vend. On encaisse, on décaisse. On gère, c'est vrai. On fait des comptes à la fin de la journée. Après, on retourne les invendus dans un délai de 3 mois, voire d'un an, parfois suivant des conditions générales de vente appliquées par l'éditeur. Quand on est libraire, on est en rapport avec les éditeurs, on a des comptes chez des éditeurs. Sur ces comptes, l'éditeur porte le nombre de livres qu'il vous a vendus. Et puis le libraire le paye, il fait une remise. On discute les conditions générales de vente, ça s'appelle la remise, c'est-à-dire l'éditeur il dit « je vais te donner 3 livres, et puis toi tu me les paieras, il va le 20, il y a une ». Il y a un truc spécial en France, c'est le prix unique du livre, c'est-à-dire tous les livres, quel que soit l'endroit où il est vendu, quelques livres que ce soit, le même prix. Le titre, toc, il vaut 20 euros. Bon, le Goncourt, il vaut 24 euros. Il vaut 24 euros chez Cultura, chez votre libraire, il vaut 24 euros. Voilà. L'éditeur, il dit au libraire, je te donnerai 30% de remise, et puis tu m'en vendras 20. Et puis si tu m'en vends 40, je te donnerai 31%. Puis si tu m'en vends 60, je te donnerai 32%. C'est un peu comme ça que les choses se passent entre les libraires et les éditeurs, un peu. Ça, c'est la remise. C'est un truc spécial, libraire. Lorsqu'un éditeur confie à un libraire sa production, il lui ouvre donc un compte. On discute avec les personnes qui viennent, les représentants, on discute avec eux, on leur demande, enfin le libraire demande un peu plus de remise parce qu'il gagne un peu plus d'argent, le directeur commercial il dit « oh ben non, je ne peux pas, là, là, bon, voilà, ça ». Il y a une autre mécanique qui s'appelle le retour, chez les libraires, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une manière de travailler. Si vous n'arrivez pas à vendre les livres, si le libraire n'arrive pas à vendre certains livres, il les retourne à son éditeur, il ne paye pas. Enfin, il paye le transport. Ou pas, suivant ce qu'il a négocié avec l'éditeur. Donc, il y a un représentant qui vient voir le libraire, qui lui dit, voilà, on va commencer à travailler le catalogue. Il travaille le catalogue, il regarde le catalogue de les deux. Le libraire, il dit, je veux ce titre-là 4, je veux ce titre-là 6, etc. Là, on fait des comptes. À la fin d'année, on refait des comptes. Voilà, c'est du commerce. Alors, il y a des factures, il y a des entrées, des sorties, des comptes, des répertoires, des choses comme ça. C'est ça le métier de libraire. Il y a aussi une part du travail qui consiste en un conseil au client. Quelqu'un vient dans une librairie, il n'a pas une idée précise de ce qu'il veut. S'il a une idée précise, ça va tout seul. On ne l'a pas, c'est tout. On lui commande. S'il n'a pas d'idée, on peut le conseiller. Le libraire, dans certains cas, peut pousser certains titres auxquels il croit. Par exemple, j'ai rencontré un libraire qui a voulu pousser un livre qui s'appelait « Train de nuit pour Lisbonne » et qui l'a poussé tellement que le titre a très très bien marché. Donc du coup, le libraire a dit à l'éditeur « Je te vends tes livres, donc tu me donnes une liste plus grande. » L'éditeur lui a dit « D'accord, je te donne une librairie. » Puis voilà. Puis sa librairie marche en même temps. C'est son métier. Donc quand on n'a plus d'exemplaires, on demande un réassort. Et celle-ci, plus on lui demande de réassort, plus elle est bien disposée à notre égard. Enfin voilà comment ça marche. En plus de ce travail, donc de conseil, de mise en place, de compte et de retour, quand il y a des employés, il faut faire des salaires, des fiches de paie, des charges sociales, des siennes propres. Il faut négocier avec les banques, et puis aussi on répond à des appels d'offres dans la librairie, des appels d'offres qui sont lancés par les bibliothèques, les médiathèques, les gens qui viennent, ils demandent des livres, ou bien on peut aussi répondre à d'autres demandes qui sont par exemple des demandes de comités d'entreprise, on va faire des tables chez les comités d'entreprise, ou bien on peut aussi répondre à d'autres demandes qui sont, par exemple, un théâtre qui est en train de montrer une pièce, on met une table avec les différents titres auxquels la pièce fait penser, etc. Puis après, on va vendre des livres là-bas, si on a des accords. C'est ça, le métier de libraire. Voilà, les quelques chiffres et l'aperçu du travail du métier de libraire, je viens de vous les donner. Je vais maintenant vous présenter les deux entretiens que j'ai réalisés en vue de cette rencontre. Les deux libraires que je suis allé visiter pour ce travail sont différents sous plusieurs aspects. La première est située dans une ville proche de Paris qui s'appelle Chartres, à 1 heure de la gare Montparnasse, et donc aussi de la FNAC Montparnasse, qui est la première FNAC libre ouverte sur ce réseau FNAC. On a interrogé pour médicaux une dame qui s'appelle Simone Mussard, qui est la dame qui a fondé cette librairie, donc vous pourrez l'entendre, hein, si vous voulez, direction médico, là. C'est assez intéressant. Donc la concurrence à Chartres est assez forte, d'autant plus qu'il existe aussi une enseigne FNAC à Chartres, à 30 mètres de la librairie enquêtée, enfin de la librairie dans laquelle travaille la libraire avec qui j'ai parlé. Et c'est une petite antenne, tandis que la librairie dont je parle là, c'est une librairie qui se tient sur plusieurs centaines de mètres carrés, je crois que c'est 400, je ne suis pas sûr, mais c'est 400, quelque chose comme ça, qui emploie 15 personnes, 9 femmes, 6 hommes, dont le gérant. Cette librairie ne vend que des livres. Il y a des librairies en province fréquemment, même à Paris, hein, des librairies moyennes, comme celle-ci, qui fait partie des 100 premières librairies indépendantes de France. Dans certaines librairies, donc, il y a des rayons presse, des rayons maroquinerie, des rayons jouets, des trucs. Qui vont avec le livre. Il y a des points de vente aussi qui sont un peu différents, qui ne vendent que des livres de jardinage, par exemple, ou bien que des livres d'ésotérique, toutes sortes de trucs. Là, cette librairie-là est une librairie générale. Il y a des livres de littérature, beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de livres pour enfants, à peu près tout, quoi. Je crois qu'il y a 80 000 références, Mathieu dit, je ne sais pas exactement. Enfin, c'est une grosse librairie de province. Comme c'est une grosse librairie de province, et je me suis dit, c'était le premier entretien que je voulais faire, et que d'ailleurs j'ai fait, je me suis dit, province, je vais peut-être faire à Paris, parce que Paris, c'est différent. et que la librairie et le territoire, ce sont des choses qui vont l'une avec l'autre. C'est très important de savoir, si on se peut, d'ailleurs on va voir après, de savoir où se trouve la librairie, quelle est la clientèle, il faut connaître sa clientèle, enfin il y a toutes sortes de choses très pragmatiques à savoir quand on est libraire. La deuxième librairie, c'est une librairie qui est située à Paris, dans le 10e arrondissement, qui fait 80 mètres carrés, qui a 12 000 ou 15 000 références, je crois à peu près. Il y a deux personnes salariées, la gérante, que j'ai interrogée, et un de ses associés. En fait, ils sont trois associés. Il y a deux hommes, une femme, la gérante. Les deux hommes, l'un des deux hommes a mis 50% du capital, le deuxième 25% et la gérante a mis 25%. Je vais vous dire ce thème. Cette librairie-là ne vend aussi que des livres. Elle a un petit rayon jeunesse au fond du magasin, un rayon littérature, un rayon sciences humaines, petit, et un rayon bande dessinée, rock'n'roll et noir, assez fourni, qui sont plutôt les goûts du libraire, tandis que la littérature et sciences humaines, c'est plutôt les goûts de la libraire. Donc les deux libraires interrogés sont des femmes. La première libraire a quelque chose comme 45 ans, elle est mère d'un enfant de 11 ans, elle est la compagne d'un des amis du sociologue. Donc, conditions d'interconnaissance, à la faveur d'un appel d'offres lancé, comme je vous disais tout à l'heure, par la bibliothèque publique d'information. Plus tard, ce délégué général du syndicat partira pour fonder cette librairie avec cette libraire. Ils ont repris une entreprise qui était gérée par un couple qui s'appelait les Leguet. Donc vous trouverez aussi sur Medico les entretiens. J'ai fait l'entretien avec la dame et puis avec le monsieur. C'est un homme d'affaires, le monsieur Leguet. C'est un libraire, mais un homme d'affaires. Il a fait une librairie, puis à côté il y avait une papeterie, puis après il a fait une photo, puis après il a acheté à côté, puis derrière, puis devenu, puis il a acheté. Puis après il l'a vendu, puis voilà. Et donc mon ami, il a repris cette librairie avec sa femme. Ils se sont installés à Chartres d'ailleurs. Il s'agit du genre en librairie, ici c'est comment on devient libraire, les conditions sont-elles semblables si on est homme ou femme, comment on a fait, comment on est arrivé là. Sur Medico, ce n'est pas ça que vous trouverez. Vous entendrez d'ailleurs, parce qu'on est décent, vous entendrez comment ils ont fait pour croître et embellir les deux. La deuxième libraire a 32 ans, elle n'a pas d'enfant, elle est gérante du magasin, c'est la patronne. Le sociologue a déjà eu affaire avec elle, outre qu'il est client de cette librairie, ou qu'il l'a été, ou qu'il le sera, lors d'une précédente enquête, dont l'objet était la librairie indépendante et francilienne. J'avais rencontré cette libraire à l'ouverture, ou un an après, et puis j'avais rencontré aussi cette libraire à l'occasion d'une autre enquête que j'ai faite sur la livraison de nuit, parce que les libraires livrent la nuit leurs livres, se font livrer la nuit leurs livres. Et je vais interroger cette femme, mais moins formellement pour cette autre enquête. Donc cette librairie s'est située à ce moment-là dans le quartier où j'habitais. Maintenant, elle est un peu plus loin, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai demandé à cette dame si elle voulait bien s'entretenir avec moi de cette problématique. Elle m'a dit oui, j'ai dit d'accord. Donc je vous rencontre ici ces deux entretiens qui sont réalisés suivant la méthode de la sociologie compréhensive, c'est-à-dire que je ne porte pas la contradiction aux personnes. Je les suis quand elles me parlent et j'essaye d'approfondir avec elles dans les endroits qu'elles veulent approfondir suivant la problématique que je cherche à essayer de résoudre. C'est comme ça que je travaille. La méthode de recrutement, comme vous l'avez vu, est d'interconnaissance proche. Si l'étude devait se continuer, on demanderait à l'une et l'autre d'indiquer quelques connaissances ou on interrogerait les collègues. Comme je pense qu'il faudrait interroger le Michel en question. On sait qu'il ne s'agit pas d'une étude, mais j'ai agi comme s'il s'agissait d'une étude. Donc deux entretiens menés pour tenter de circonscrire ce que le genre fait à la librairie, quel est le partage des tâches, comment s'opérerait la transmission avec un versant important sur l'entrée dans le métier, les raisons qui y ont poussé et les diverses options prises durant l'exercice du métier. Bon, le premier entretien, j'ai commencé par la libraire de Paris. Son père était directeur commercial, sa mère était assistante maternelle. Aujourd'hui, elle a 33 ans. Elle fait des études de lettres, de psychologie, puis vers 22-23 ans, elle fait un DESS de psychologie à Paris 5 et parallèlement un stage au CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui est un institut de sondage qui faisait du qualitatif, c'est-à-dire des entretiens plutôt basés sur des questions ouvertes et qui sont restitués à l'aide de mots. Quantitatifs, c'est plutôt des questionnaires qui sont restitués à l'aide de chiffres. Et le CREDOC a changé, d'ailleurs, elle veut le dire. Donc pour faire sa thèse de psychologie sociale sur les parrainages en entreprise, elle intègre le CREDOC parce qu'elle ne veut pas faire de pub. Quand on est psychosociologue, on fait de la pub normalement. Ou du marketing, quand on est psychosociologue, on fait du marketing aussi peut-être. Avec le ministère du Travail, elle a un stage non rémunéré. Elle doit réaliser pour cette étude une centaine d'entretiens qualitatifs auprès des acteurs du secteur. Et après le stage, un CDD de 8 mois au CREDOC. Elle finit sa thèse un peu seule, parce qu'il y a des dissensions qui se font jour entre le lieu où elle fait sa thèse, l'école des hautes études en sciences sociales et Paris 5. Et il y a aussi des dissensions qui ont lieu entre le CREDOC et le ministère. Enfin, c'est toute une affaire. Donc elle n'aime pas trop faire ce genre de travail pour le CREDOC, mais elle le fait. Elle n'aime pas trop faire cette thèse pour l'université, mais elle l'a fait. Et puis, une fois qu'elle a fait ça, la dernière année de thèse, elle l'a fait toute seule. En vacances du CREDOC, elle travaille à mi-temps au CREDOC, elle fait des études toujours en mi-temps. En fait, elle ne veut pas faire prof parce que la guéguerre universitaire, ça l'ennuie. L'enseignement non plus, elle n'aime pas les études. Elle a 28 ans, elle a terminé sa thèse, le CREDOC lui propose un CDI, un contrat à durée indéterminée. Elle dit d'accord et elle veut fonder un département culture. Son chef, elle a une superbe relation de confiance avec lui. Il dit oui. Sa supérieure hiérarchique, elle ne s'entend pas du tout avec elle. Le chef, donc, lui donne quelques moyens. Elle se lance pour faire son département culture. Elle prend des contacts, mais à l'intérieur du CREDOC, ça n'avance pas. C'est le moment où le CREDOC change d'orientation. Elle demande donc de l'aide à son chef. Son chef lui promet une assistante. Elle ne va rien tenir. Elle lui dit, mais si c'est comme ça, dans 6 mois, j'arrête l'émission. S'il n'y a rien d'avancé. C'est une dame qui travaille comme ça, en fait. Vous verrez plus tard, elle fait pareil. S'il n'y a rien qui se passe dans 6 mois, je m'en vais. Voilà. Donc elle fait ça là, au CREDOC. 6 mois plus tard, il ne se passe rien. Elle dit, bon ben voilà, ma démission. Alors tout le monde lui dit, mais t'es folle, un CDI, tu démissionnes, t'es folle. C'était en 2005. Elle s'arrête quand même. Parce qu'elle dit qu'elle souffre au travail. Elle n'est pas reconnue, que les difficultés avec sa patronne sont trop grandes et qu'elle ne veut pas aller travailler en pleurant. Donc quelques mois de chômage. Et puis une soirée avec des anciens amis du CREDOC, JP, qui est parti du CREDOC, qui est devenu directeur d'une institution, et puis M, qui travaille toujours au CREDOC. C'est donc 3 personnes qui sont au CREDOC, qui se réunissent un soir et qui tout à coup disent les deux hommes disent on veut faire une librairie, toi tu fais rien. Alors elle dit non, moi je fais rien, ça va. Elle était très contente d'être au chômage, très bien. Et ils lui disent tu devrais être gérante et elle dit non, oh, peut-être, oh. Elle sait pas. Voilà, elle a presque 30 ans, elle sait que si elle fait pas quelque chose maintenant, elle le fera jamais, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est assez amusant. Elle a pas de charge de famille. Elle était un peu inquiète, mais elle, son collègue, lui, pas du tout, il lui dit, avec ta dette, tout va bien s'arranger, tu verras, ça marchera très bien. Comme elle a du temps, elle commence à suivre une formation de libraire. Le prix de cette formation est avancé par la société JP, là, qui a plein d'argent, apparemment. Elle fait un business plan. Elle rencontre des gens, elle cherche un local, elle trouve le local, elle cherche des aides, elle trouve des aides. Elle monte la société et elle ouvre cette petite librairie qui s'appelle La Plume Vagabonde, qui faisait à peu près 40 mètres carrés du côté de la rue de la Fontaine-Roi, à Paris dans le 11e. Ouverture début 2007, ça marche un petit peu, mais la rue n'est pas très passante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était une petite rue où il n'y a pas grand monde qui passe, mais bon, il y a une petite clientèle tout de même. Ça marche un peu. Puis 2008, boum, plus rien. Donc ils apprennent les outils de gestion entre 2007 et 2008. Ils apprennent les bases de données, ils apprennent les comptes éditeurs, ils apprennent les factures, la gestion, les échéanciers, les prévisionnels à 4-8 mois, les relations avec les banques, les cabinets comptables, les éditeurs. Ils apprennent le métier, quoi. De libraire, mais ça marche pas. Alors elle dit, si dans 6 mois ça n'a pas bougé, j'arrête. Elle dit à ses deux associés. Et un jour, comme elle va chercher je ne sais plus quoi, c'est assez signifiant, mais je l'ai oublié. Un panier de légumes. Elle va chercher un panier de légumes dans une AMAP, et puis elle voit un local à louer. Elle se renseigne sur le local à louer, elle fait beaucoup de choses, hein, cette libraire. Elle se renseigne sur le local à louer plus que le monsieur. Il se trouve que c'est un local qui est géré par la ville de Paris. Elle monte un dossier, donc en juin 2009, elle monte un dossier, et puis en décembre 2009, ils obtiennent la location de ce lieu-là, qui fait donc le double de la précédente. Comme elle connaît le métier, elle arrive bien à monter ce dossier. Ce qui compte dans le métier, dit-elle, c'est la culture générale. La technique, on l'apprend, parce qu'on a du temps dans une librairie. Ce qu'il faut aussi, c'est le goût des livres, pas seulement des contenus, mais aussi des objets. C'est une condition sine qua non de la poursuite du métier, et bien plus importante que tout le reste. Pour elle, l'envie d'entreprendre ne compte pas, mais avoir son truc à soi, oui, un distinguo subtil. J'ai pas bien réussi à savoir dans quelle mesure l'envie d'entreprendre et avoir son truc à soi n'était pas exactement la même chose, mais bon, apparemment non. Avoir son propre emploi, être son propre patron. Elle m'a dit si ça avait été une charcuterie, ça aurait peut-être dit oui aussi d'ailleurs. Puis après elle me dit non. En fait, là, la librairie, c'est un truc bien, ça lui plaît, ça change du temps où elle est au travail en courant. C'est un point très positif, même si la conjoncture de public n'est pas facile. Là, maintenant, ça marche bien. Ils ont un nouvel associé qui est venu, qui a participé au déménagement. Donc, tout va plutôt pas mal. Alors, le genre dans tout ça, quand je pose la question du genre, elle me dit que son libraire est plutôt plus âgé qu'elle, qu'il a des goûts différents, qu'ils constituent tous les deux un couple de libraires, mais pas un couple dans la vie. On lui dit à elle, vous direz à votre mari, alors que c'est pas son mari. On lui dit, dites à votre patron, alors que c'est elle le patron. Alors les fournisseurs, ils demandent au libraire de signer les chèques. Le libraire, il dit, ah non, moi, c'est pas moi, c'est elle la chef, moi, je sais pas signer. Enfin, il y a tout un truc un peu bizarre entre eux, un rapport de hiérarchie un peu bizarre. Ils sont payés pareil, alors qu'elle est gérante. Elle ne fait pas plus d'heures que lui, elle trouve que c'est normal. Moi, je lui ai demandé si elle trouvait ça normal. Elle m'a dit oui, moi je trouve pas ça tellement normal, mais bon, elle trouve ça normal. Elle a endossé une responsabilité un peu plus importante, nettement plus importante, puisqu'elle est responsable, plus que ses associés. Mais bon, elle fait les factures. En fait, eux ne voulaient pas faire la gérance, le Jean-Pierre et le Michel. Mais elle, ça ne lui déplaît pas. S'il y a un souci, elle sait qu'ils seront là. C'est une relation de confiance qu'ils ont instaurée entre eux. Après, je lui ai demandé la clientèle qu'elle avait dans sa librairie. Elle m'a dit qu'il y avait pas mal de femmes. Il y avait plus d'hommes qu'ailleurs, sans doute, parce qu'il y avait un rayon BD important, parce qu'il y avait un rayon rock'n'roll important, que rayon rock'n'roll est un rayon plutôt... BD rock'n'roll est plutôt masculin. Lui, il a des goûts d'homme, si on caricature, me dit-elle, BD, policier, rock'n'roll, moi c'est littérature, essai, c'est plutôt des goûts de femme, enfin, on sait pas, bon, on sait pas bien. La gestion de la littérature enfant, ils savent pas bien faire, simplement ils savent dire, oh, comme c'est mignon, puis ça part. Alors, donc tout va très bien. Donc il y a une complémentarité de point de vue des deux livrets, de genre, donc, d'âge, donc aussi, et de goût aussi. Mais plus on monte, dit-elle, plus on connaît le plafond de verre. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il y a un moment où, par exemple, je ne sais, je pense qu'ils se rachètent les uns les autres leur part. Il y a un truc comme ça. Avec l'arrivée du nouvel actionnaire, ils ont changé la manière de répartir les parts, et je crois qu'elles rachètent des parts à JP, mais je ne suis pas sûr. C'était le premier entretien, donc la petite librairie à Paris. L'autre entretien, donc c'est une grande librairie, plutôt grande, à Chartres. Alors c'est une dame qui a 45 ans. Elle habite Chaville quand elle est jeune et ses deux parents sont instituteurs. Elle fait des études en faculté de linguistique et puis une licence d'allemand et puis elle rencontre un petit copain allemand. Donc elle va en Allemagne elle se dit, et puis elle se dit dans le même changement de vie qu'il est temps de faire quelque chose. Donc elle a pratiqué plusieurs petits boulots à Chaville, là où son père est conseiller municipal. Elle a fait standardiste, elle a travaillé 2 mois au service d'urbanisme, elle a fait plein de petits boulots. Et à l'occasion de ces petits boulots, elle s'est dit, c'est juste des boulots chiants, et je m'étais promis au minimum de ne jamais bosser dans un bureau. Donc elle arrête tout ça, je sais pas quoi, là, elle s'en va, elle continue ses études, et dans le cursus, en fin de licence, il y a métier du livre, librairie, elle prend cette unité de valeur, parce qu'elle aime lire. Elle dit, ça énervait mes parents que je ne fasse que ça, mais je lisais. Donc elle va en Allemagne, elle rejoint son copain, puis elle fait des allers-retours entre Mulhouse, là où ça se passe, hein, ses études de librairie, et là où elle vit, qui s'appelle Fribourg, je crois. Oui, Fribourg. Je l'ai marqué quelque part. Donc elle entame la licence de librairie. En fin d'année, des stages sont requis. Le premier, elle le fait en Allemagne. Le second, elle le fait en fin d'année suivante à Paris. Le premier stage, dans une librairie à Fribourg. Voilà, Fribourg in Brisgau. Dans une librairie plutôt, dit-elle, homosexuelle. Elle n'en sait rien quand elle y va. Elle l'a choisie parce qu'elle n'est pas loin de là où elle vit, parce qu'il y a un café devant, parce qu'elle trouve que c'est très joli. Et puis qu'elle la trouve indépendante, cette librairie. Elle trouve que l'indépendance est très importante. Outre les stages, elle travaille toujours, elle fait plein de petits boulots, mais en Allemagne, les choses sont mieux organisées qu'en France, il y a une centralisation des offres, donc elle trouve des petits boulots. Elle écrit son mémoire de fin d'études de librairie sur cette librairie, il semble que ce mémoire soit brillantissime, me dit-elle. Elle rencontre une libraire de la terrasse de Gutenberg, qui est une librairie Paris 12e, je crois. Ok, une libraire un certain genre, et le gérant d'une autre librairie à Montreuil qui s'appelle Folie d'encre. Donc le deuxième stage à la terrasse, c'est un stage dans une librairie étrange, les comptes éditeurs ne sont pas tenus, il manque des ouvrages essentiels, elle n'est pas tenue par la libraire qui était pourtant, dit-elle, hyper intéressante lorsqu'elle parlait de littérature et du métier, mais elle apprend plein de choses dans ce mois de stage à la terrasse. Comme elle avait appris pas mal de choses dans son mois de stage à la librairie allemande. Elle n'apprend pas tellement de choses en fait avec la patronne, mais avec son second. Elle apprend comment faire une table, elle apprend les problèmes de trésorerie, elle apprend les clients, les retours, comment choisir, comment regarder, comment faire des comptes clients, renseigner les clients, le conseil aux clients, le fameux conseil aux clients. Mais la librairie, c'est une librairie hyper réputée, dit-elle, hyper connue, fréquentée par des auteurs, des littérateurs. Donc il y a plein de monde, il y a des animations hyper courues. Elle reçoit des auteurs qui sont des amis proches de la libraire. Enfin, il y a toute une sorte de monde de la littérature Saint-Germain-des-Prés, mais pas à Saint-Germain-des-Prés, disons. Par exemple, le compte Hachette est fermé parce qu'elle ne les paye pas. Le compte Gallimard est ouvert parce qu'elle est amie avec un type de Paul. Enfin, ce sont des relations interpersonnelles très féconde que tient cette libraire. Elle propose des comités de lecture, donc elle apprend plein de trucs dans cette librairie, mais elle apprend pas la gestion, elle apprend comment être avec les clients, avec les auteurs, comment les recevoir, quelles sont les animations à faire pour faire vivre la librairie et vendre des livres le soir. Hein, plutôt, elle apprend plutôt ça. Et à la fin de ce stage, il y a le patron de Folie d'encre qui lui donne un coup de téléphone et qui lui dit qu'elle serait certainement une très bonne libraire parce qu'il a lu son mémoire. Et c'est un patron à Montreuil, qui est une commune du 93, de l'Est parisien. Ce patron-là est franc-tireur, disons. Il est très impliqué. Il paye les gens. Tout le monde est payé pareil à Folie d'encre, par exemple. Enfin, au début. Dans l'interprofession. Il est très impliqué. Il a commencé il y a 25 ans. D'ailleurs, on pourra entendre sur Medico, Jean-Marie Ozan, il s'appelle. Vous l'entendrez si vous voulez. Il raconte des choses très intéressantes sur la manière de faire au début de cette librairie. Donc, elle intègre, elle, cette librairie. Elle a à peu près 23 ou 24 ans. Elle a un CDI à temps plein. Et voilà, elle est très contente, en fait. Hein. Et puis, elle s'installe avec une colocataire à Montreuil. La librairie est donc menée par l'homme qui l'a créée. Cet homme dispose que chacun d'entre les salariés sera payé de la même façon, une sorte d'égalitarisme communautaire qui lui plaît. Les choses avancent, mais parfois par à-coup, ce sont des petites entreprises dont les modalités de gestion sont teintes de contexte où elles sont créées après 68, autogestion, travailler autrement, etc. C'est difficile de mettre en œuvre, mais possible et parfois fécond. C'est le cas de la maison d'édition du Castor Astral, par exemple, où les gens, bon, ils ont aussi fait ce genre de choses un peu communautaire, commun, je ne sais pas trop dire. Enfin, certainement pas capitaliste, quoi. C'est pas de profit. Mais de toute façon, la librairie n'est pas un lieu où on gagne beaucoup, beaucoup d'argent, sauf si elle est très, très grosse. Hein. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de grosses librairies. Donc, elle passera dans cette librairie une vingtaine d'années. D'abord, elle sera metteuse à part. Elle vivra donc en colocation avec une amie qui faisait des études de psychologie. Puis, elle acquérera dans ce métier de metteuse à part la familiarité avec les livres. Elle les connaîtra pour les toucher, pour les voir, pour les regarder, pour lire les quatrièmes de couverture, comme on dit, pour connaître mieux les lire un peu ceux qu'on aime, et puis peut-être aussi les emmener chez soi, et puis les lire, et puis les connaître, et puis petit à petit, au bout de 20 ans, elle connaît plein de trucs. Elle est dans le même cas que Josette Desmar, qui est une des libraires que j'ai interrogé, qui est la femme de Henri Desmar, qui était le président de la FFSL il y a 40 ans, qui tenait une librairie sur l'avenue Bosquet. Et Josette Desmar aussi était du même genre que cette libraire-là, c'est-à-dire que pour elle, la main, l'objet livre est vachement important, ce qu'il y a dedans aussi, enfin, ça fait un tout. Et elles aiment ça. Et Josette Desmar avait une autre démarche que Frédéric, c'est Frédéric qu'elle s'appelle la libraire, qui est de tenir les comptes de la librairie, que son mari Henri ne voulait pas faire. Tandis que là, c'est l'inverse. Donc il y a l'amour des livres aussi, ici, comme objet, le livre comme objet. Donc on aime le livre comme objet, et pas seulement le contenu, ni le contenant. Le tout, en fait. Et puis, durant ces 20 années, elle rencontre le père de son enfant. Elle travaille à mi-temps quand elle a cet enfant. Puis elle continue la mise à part. L'enfant grandit. Elle veut travailler un peu plus. Et puis, elle se fâche avec le père de cet enfant parce qu'elle travaille le week-end, je crois. Enfin, il y a toute une histoire de relation avec le père de l'enfant qui se dégrade. Et donc, ils se séparent. Ils gardent l'enfant. Et elle prend plus de responsabilités dans la librairie à mesure que son enfant grandit. Et puis, elle passe d'un mi-temps à un trois-quarts temps, et toujours metteuse à part. La gestion. gestion de la librairie, cette librairie est assez épique. Par exemple, elle me raconte que le patron, il dit un jour, je ne peux pas vous payer avant le 2 ou le 3 du mois parce que je paye les fournisseurs d'abord. Et alors tout le monde se met, tout le monde est fâché parce qu'il disait nous aussi. Alors le patron, il dit, bon, mais si c'est comme ça, je ferme la librairie. Alors tout le monde dit, bon, moi d'accord. Et, hein, donc il laisse ouvert, puis après il embauche d'autres personnes, dont une certaine Françoise qui bientôt, dans les 5 ou 6 ans plus tard, va créer les Maupassant à Aubervilliers, qui est une librairie aussi tenue par des femmes, que des femmes. Enfin là, il ne s'agit pas du tout d'une librairie tenue par des femmes. Ça dure des années, cette manière de vivre pour cette libraire. On est à peu près en 2000. Donc, le passage de cette directrice, il y a une directrice, il y a le patron, puis il y a la directrice. La directrice, il n'y a jamais de clash avec elle, mais c'est plutôt sur le patron que retombent les conflits. C'est lui le méchant à l'époque, mais la libraire ne trouve pas sa place de direction. Deux autres personnes viennent pour prendre la direction de cette librairie, mais ça ne marche toujours pas. Et là, le gérant de la librairie lui propose de devenir directrice de la librairie, parce que c'est une bosseuse, dit-elle. Elle accepte, mais c'est un marché de dupes, on ne lui obéit pas, on va voir le directeur en titre, c'est lui qui règle les conflits. Elle ne veut pas monter, en fait, elle ne veut pas monter, elle dit qu'elle n'a pas d'ambition, elle a plus envie de travailler, elle veut gagner un peu plus, elle voulait s'occuper de littérature, on lui propose la direction sans en laisser l'espace, mais elle le fait quand même. Et c'est là qu'elle rencontre son compagnon de maintenant. À cette époque-là, elle épargne pour son fils, elle rachète des parts de la librairie Folie d'encre. Mais elle se dit que ce n'est pas la peine. Avec son compagnon, il pense que rester à Montreuil toute sa vie, ce n'est pas terrible. Et une idée s'élabore entre eux, ensemble, et ils se disent pourquoi on n'achèterait pas une librairie. Et quand la librairie Leguet se libère, ils décident de sauter le pas tous les deux. Ils ont 40 ans. À peu près 42 ans. Lui, il a 3 enfants, elle a un enfant. Et ils disent, on va aller s'installer en province. Et elle dit, moi j'ai dit d'accord parce que j'étais plus toute seule. Ils reprennent la librairie. Comme elle est une bonne et une vraie bosseuse, une vraie libraire, elle connaît les rouages de la librairie. Lui, il veut devenir libraire, mais il les connaît aussi, mais d'un autre point de vue, puisqu'il était délégué du syndicat. Donc, ils font une association, ils reprennent la librairie d'un premier niveau, ils sont chefs d'entreprise, mais elle est salariée, et elle s'occupe de la littérature. Pour le partage des tâches, il n'y a rien à voir avec la relation à la maison, mais dit-elle, il fait des trucs que je déteste faire. La gestion, la communication, je ne sais pas faire. Pour moi, il est libraire. Mais en fait, il ne l'est pas. Il a plein de trucs à apprendre. Et par exemple, il veut prendre 5 titres d'un auteur. C'est dingue, il suffirait d'un seul, par exemple. Mais là, il ne le sait pas. Mais pourtant, il connaît les chiffres. Donc, si vous voulez, elle a un côté comme ça, très pragmatique et très sur la bibliothèque. Elle connaît cette bibliothèque par cœur, très bien. Mais elle ne connaît pas les chiffres. Et lui, connaît les chiffres. Donc, ils sont assez complémentaires, tous les deux. Hein. Pour faire des animations, ils invitent très souvent des auteurs, ils les invitent, et puis ils font des tables et tout ça, et puis c'est lui qui s'occupe de ça, parce qu'elle, elle ne s'en occupe pas. Elle n'aime pas ça, en fait. Elle aime bien présenter les livres. Elle aime bien regarder les autres librairies, comment ils font. Elle aime bien faire ça. Quand je lui ai parlé de transmission, elle me dit que quand elle a un stagiaire, elle n'est pas patiente, elle ne lui dit rien. Elle lui dit au début, vous me direz, parce qu'elle dévouvoie toujours ses stagiaires. Vous me direz ce que vous voulez savoir, vous me le demanderez, parce que moi, je ne vous dis rien, moi, je bosse. C'est une bosseuse. Elle ne veut pas voir traîner des livres, elle le dit, par exemple, quand elle était à Folie d'encre, elle me dit qu'elle voyait traîner des livres dans les rayons. Elle disait, ranger ses livres à sa hiérarchie, et personne ne rangeait. Tandis que là, maintenant, elle est obéie, donc ça va beaucoup mieux. Elle est plutôt plus contente, on va dire. Enfin, bon, est-ce que c'est plus facile avec les garçons qu'avec les filles? Pour ses stagiaires, elle me dit que c'est pareil. Le métier, qu'est-ce qu'elle en perçoit comme plutôt fille ou plutôt garçon? Elle pense que c'est plutôt fille. À Montreuil, il y avait beaucoup de filles. chacun faisait ce qu'il avait à faire, comme ici. Enfin, c'est un métier qui est un peu lourd, mais fille ou garçon, ça n'a pas d'importance. Elle s'intéresse au contenu des livres, alors son approche est plus sensible, plus matérielle. La mise à part pendant de longues années, elle connaît les livres. Elle les déballe, elle les connaît 15 fois, elle sait ce que c'est. Mais c'est quand même qu'une illusion, dit-elle. Je sais ce que c'est, je sais où il se trouve, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Le métier de libraire est un peu... On dit que les libraires ne lisent pas beaucoup. En fait, ils lisent beaucoup, mais... Beaucoup de pages, de nombre de livres différents, je pense. Ils ont une appréhension de ce que c'est, ils savent, comme elle le dit, hein. Ils le connaissent comme un objet, mais c'est quand même une information importante. Elle sait que le numéro 1 chez Folio, c'est la condition humaine, je crois. Ou le 2, c'est l'étranger, ou le 2, je sais. Enfin, elle sait des choses sur les objets. Elle est libraire, voilà, c'est ça. Alors, une journée de travail du libraire, par exemple, aujourd'hui, pour elle, elle a fait la caisse, puis elle a rangé dans tous les rayons, puis elle a fait tout seul 3 rayons. Voilà, je vois un livre qui traîne, je le range, je fais du conseil aux clients, j'emballe des cartons pour le salon de Blois, j'ai discuté avec O pour la banque, enfin j'en ai fait 3 fois plus qu'un libraire de base. Un jour on se dit, mais qu'est-ce que je suis là-dedans? Mais maintenant c'est beaucoup mieux pour elle, il n'y a pas de musique en continu, il n'y a pas de bruit dehors, c'est plus calme en province. Quand on répond au téléphone, ça prend pas 20 minutes sur le boulot. Donc voilà, pour elle, le lectorat est plus féminin. Peut-être, c'est plutôt des mamans. Ceux qui lisent, pour eux, dans cette librairie, c'est autant des hommes que des femmes. Voilà, ça c'était le deuxième entretien. Donc, dans ces deux entretiens, ce qu'on voit, c'est peut-être, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on pourrait voir que le rôle de la femme a beaucoup changé, hein, il me semble. Qu'elles sont patron ou pas patron, que ça dépend un peu, enfin je sais pas, il faudrait fouiller, étayer, je pense, et sans doute interroger des hommes. Voilà, je vous remercie. Merci pour la restitution de ces paroles de libraire. Alors c'est vrai que sur le site Mélico, il y a énormément d'autres entretiens que tu as faits qui sont avec des hommes, là aussi, avec des femmes, et bon, pas centrés sur ces questions de genre, mais dans lesquelles il y a beaucoup de choses intéressantes. Et les interviews de couples en particulier, là, sont vraiment à lire aussi dans cette perspective-là.